Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Nous avons Lob en direct de... Allez, il y a Warren, c'est ça? Warren, sur la place du marché. Oh, oui, Warren sur la place du marché. Comment va Lob? Comment va Lob? Oh, mais ça va super bien. Là, il y a tout le monde qui a déjà ouvert son échoppe. Là, c'est pas mal. Ah, bah oui, mais enfin, c'est en garantie. Il y a des gens déjà. Bon, c'est un jeune homme. Il n'y a pas de jolie fille encore pour le moment, mais c'est pas grave. Mais c'est pas si tu rentres à Warren. Ouais, et non, mais c'est pas si à Warren peut-être. À Warren peut-être, mais le problème, c'est qu'à 7h40 sur un marché un vendredi, soit les jolies filles elles dorment, soit elles sont en cours ou elles travaillent, si tu veux. C'est rare qu'il y en ait qui aillent au marché. Mais bon, on sait jamais. Sinon, il paraît qu'il y a des jolies filles dans les petites camionnettes un peu plus loin. Mais oui, c'est pas grave. Ça ira. Bon, alors, Lob, réveille la Belgique. Donc, c'est parti. Tu as le mégaphone. Je rappelle le concept du mégaphone. Le but du mégaphone, c'est de porter la voix de manière haute et forte, donc ce qu'on appelle de hurler dedans, ça le fait déjà automatiquement, si tu veux, d'accord? Ça fait un ennemi qui le fait, ça. Justement. Bon, on y va, c'est parti. Voilà. Ça y est, il s'en va. Lob. Ouais, on me regarde, je suis totalement fou. 106.4. Ouais, je rentre à Asile, attendez, laissez-moi. C'est bon. Bonne journée. Lob. Allô. Lob. Mais il va s'acheter un casque un jour. Allô. Attends, rien, c'est quand même exceptionnel. Oui, quand même. Oui, il est Lob, sourd, il a un problème de sourd. Oui. Écoute, tu as une fois de plus crié un petit peu, mais bon, ça c'est... Lob. Un petit peu, hein. 106.4. 106.4 la fréquence à Warem, t'as oublié de le dire. Michael, réveille la Belgique à Warem sur la 106.4. Voilà, bonheur. Bon bah tu peux revenir du coup, hein. Ok, là, t'as rien à dire. Allez hop, c'est parti, direction la radio. Michael à la radio, le replay. Fun Radio. Michael à la radio. Michael à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Michael vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio à 7h-4, 8h-4 et 9h-4. Il y a quand même un auditeur qui s'emballe avec un Qu'est-ce petit SMS. Michael, je trouve que tu as des airs de celui qui jouait dans Mathieu Mandel. Non mais figure-toi qu'il y en a plein tout, qui me en le disent. Non mais quand on voit vraiment en vrai de près, c'est tout à fait autre chose. Non mais il y en a plein qui me le disent, mais figure-toi. C'est plus dans le loin et dans le Il y en a qui me disaient aussi que je ressemblais à Leonardo DiCaprio. Ah, pas du tout. Non, et pourtant, c'est vrai, c'est vrai. Pas du tout. Non, mais c'est parce vrai. C'est marrant parce qu'il oublie toujours Mario de la Starac. Ouais, mais. Ah, voilà, beaucoup plus. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais, tu ressembles beaucoup à Mario de la Starac. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, là, maintenant, bon, sinon, il y a un message qui dit: si Sébastien Love vient à la boulangerie latine à Warem, place de S-Bay 3, je lui offre un pain au chocolat. Sonnez-moi si vous voulez. Et j'envoie immédiatement l'adresse à monsieur Love. Oui, voilà. Et nous mais non, mais nous, rien, on est au régime. Non, non, tu es au régime. Tu es gros. Nous, on est tout à fait. Je suis gros, dis donc. Bah, attends, oui, tu m'as quand même dit que t'avais 10 kilos à perdre. Hein, donc bah voilà, oui. Celui qui pense qu'il ressemble à Ted a quand même 10 kilos moins que toi. Ah ouais, bah t'inquiète pas. Bon, allez, c'est parti, la ligne anti-relou maintenant. On écoute tout de suite le premier message. Ouais, Rakam, on s'est rencontrés hier soir au Grand Prix. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Tu m'as donné ton numéro. Et j'essaie de te sonner. Et voilà. Et je suis planté comme un connard. Et ouais, et voilà. C'est pas grave, c'est mon loulou. Le mieux répit. Ciao, ciao. Eh oui, ciao. Je me suis trouvé comme un connard. Ben oui, c'est ça. Bon, les deuxièmes messages laissés sur les lignes anti-relou maintenant. Oui, Kel, c'est Lorenzo. Dit comme promis, ben, je te téléphone parce que je viens d'avoir le verdict de mon divorce. Donc j'ai bien reçu les 30 000 euros de la maison comme c'était dit. Donc voilà, tu m'avais dit que dès que j'avais les 30 000 euros, ben, on pouvait se téléphoner et profiter un peu de cet argent ensemble. Donc si tu peux me rappeler dès que tu as mon message, ce serait gentil. Mais bien sûr. Pas, c'est le réseau. Hein. Oui, oui, t'inquiète pas, mais on peut devenir amis. Hein. Pour 30 000 euros, moi je suis l'ami de tout le monde. Hein. Ah, mais pas, nickel, on va partager. Ah, dès, qu'on, dès qu'on parle d'argent, il est. Ah, bah toujours, attends, mais c'est normal. Taquet. Mais oui, allez, dernier message. Oui, bonjour, ça fait 9 heures que je t'attends là et j'espère que tu gagneras, sinon je t'emmène chez toi, je te pète, ok? Merci. Alors, la fille, elle a rendez-vous avec un mec, ça fait une heure que je t'attends, si ça t'arrive pas, je te pète. Si ça t'arrive pas, je te pète, tu vois, alors, directement les menaces. Ouais, je t'emmène chez toi et je te pète, tu vois, c'est ça. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock, tous les matins j'écoute Mickaël, j'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Interview exclusive ce matin de Nicolas Sarkozy. Il était hier soir, il parlait. Donc lui. Et oui, il parlait aux Français sur TF1 et sur France 2. Et donc, il a décidé également de parler aux Belges, au final, hein, mais exclusivement sur Fun Radio. Donc, je vous propose d'écouter cette interview qu'on a malheureusement dû enregistrer. Vous comprenez bien qu'il ne pouvait pas se déplacer jusque dans les studios ce matin. Je vous propose d'écouter cette interview donc de Nicolas Sarkozy en exclusivité totale. Ce matin, on reçoit le président des Français, Nicolas Sarkozy, pour une interview vérité. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour et bienvenue. Oui, enfin là, c'est vous qui êtes chez nous. Hein. J'ai honte d'une déclaration de cette nature, tellement sotte. Bon, c'est pas grave, monsieur le président, là, faut pas dramatiser non plus pour ça. C'est un peu ridicule, pardon, mais... Mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêt à tout dire ce matin? Pas comme hier soir, quoi. Mais bien sûr, on parlera de tout ce que vous voulez. Vraiment? Vous n'avez pas de tabou? Pas du tout. Il n'y a pas de mot tabou. Bon, on va voir ça. Alors, première question. Comment vous sentez-vous par rapport aux Français qui ne vous soutiennent pas dans les sondages? Au moins, soyons lucides. Je me sens très proche d'eux. Ce sont des corps admirables. Comment ça, des corps admirables? Vous avez les mêmes passions que DSK? Vous avez raison. Mais alors, vous avez déjà rencontré Julie, notre journaliste? Ça m'est arrivé. Ah bon? Faut nous en dire plus, là. C'est une immense partenaire. Et vous l'avez rencontré à quel âge? 17 ans. Ah oui, quand même. Ah, c'est une longue histoire entre vous, alors. C'est une histoire très douloureuse. Et quand vous pensez à Julie, vous pensez à quoi? Je vous baiserai sur... Oui, non, mais ça va aller, on veut pas en savoir plus. Eh bien, merci, monsieur le président, d'être venu ce matin. On sait que vous avez évidemment beaucoup de travail. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Ben, c'est gentil, monsieur le président. Merci beaucoup, en tout cas. Hein. C'est l'interview exclusive. Ouais, il a parlé aux Français, il a parlé aux Belges ce soir. Il a donc dévoilé notre histoire. Votre vie intime. Votre intimité. Exactement, tout à fait. Car là, je suis désolé. Voilà. Après DSK, Julie a eu une aventure avec Sarkozy. Exactement, oui. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tomola. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. On va appeler qui, Tof? Bah écoute, donc on va continuer à appeler donc pour savoir si les femmes préfèrent vraiment le sexe oral à recevoir des cadeaux, hein, puisque c'est Jamie Bell, l'acteur de Tintin, qui dit ça. C'est ça. Et donc là, je propose que nous appelons à Jemeppe-sur-Meuse. Jemeppe-sur-Meuse. Un très très beau village. C'est parti, on y va. On avait essayé à Charleroi tout à l'heure aussi. Et Saint-Vast, c'est tout près de La Louvière, pardon. Donc on y va, on appelle maintenant. C'est parti. À Jemeppe. Jemeppe-sur-Meuse. Allez, c'est parti. Téléphone pas des masses. Allô? Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle parce que l'acteur Jamie Belt, donc l'acteur américain qui joue dans Tintin, a déclaré que ce qu'il y avait de mieux pour faire plaisir à une femme, c'était le sexe oral, hein, bien plus que les cadeaux ou les dîners romantiques. Monsieur, allez, arrêtez un peu. Bonne journée, amusez-vous avec d'autres personnes. Mais attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Ah, elle n'a pas l'air très très ouverte. Eh ben voilà, pas l'air ouverte. Mais si elle va s'ouvrir, allez, on va la rappeler. Allô? Oui, excusez-moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, est-ce que vous préférez recevoir des cadeaux ou le sexe oral? Mais je veux rien du tout. Je vous ai rien demandé. J'aimerais bien qu'on arrête de me téléphoner pour des conneries. Je veux rien du tout, moi. Mais je ne vous demande pas ce que vous voulez, je vous demande ce que vous préférez. Je ne veux rien et je ne préfère rien. Bah, si, vous avez, bien une vous avez bien une petite préférence. Oh, dis donc, on va la rappeler encore un coup. Allez, ah non. Allez, c'est pour la route. C'est gratuit. C'est pour la route. Elle va péter un plomb. C'est pour la route. Allô? Oui, vous avez bien une petite préférence. Dis, monsieur, qui êtes-vous? Comment ça va? Vous devez vous présenter, là. Ah, pardon, je suis Toff. Non, c'est pas un nom, ça. Ah, si. Un prénom et un nom de famille. Pour qui travaillez-vous? Ah, que moi, faites-vous? Ben, Pourquoi est-ce que vous me dérangez trois fois? Gestapo, ben, pour savoir ce que vous préférez. Mais non, vous devez me donner votre nom, votre prénom et de quelle ville vous venez. Votre adresse, quasi, puisque vous vous permettez de me demander mon avis. Alors, je m'appelle Jean-Jacques Joseph. Ben, vous l'inventez. Bah, oui, je peux vous dire ce que je veux. De toute façon, vous ne pourrez pas vérifier. Mais pourquoi est-ce que vous ne me fichez pas la paix? Bah, je vous ai posé une question, vous répondez à ma mais question. Mais je n'ai pas envie de vous répondre, je ne suis pas obligée, puisque vous me donnez des faux noms. Bah oui, mais enfin, vous pouvez... Bah allez, enfin, qui est-ce qui vous paye pour me contacter comme ça? Bah, et vous savez, je... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On ne dérange pas les gens comme ça. Vous êtes en train de quasi me harceler pour que je vous répose à une question que je n'ai pas envie de vous répondre et qui ne m'intéresse pas. Mais non, c'est... J'appelle ça personnellement, moi. C'est punissable. C'est moi que ça intéresse, la réponse, pas vous. Mais vous me harcelez, monsieur, la trois fois que vous me téléphonez, avec la chance que je me lève tôt. Il y en a qui dorment encore. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant, vous me fichez la paix. Je raccroche. Bonne journée. Trouvez-vous quelqu'un d'autre. Un autre pigeon. J'aimerais pas la voir comme grand-mère. Hein. Ah non, non, non. Putain. Elle était exceptionnelle. Elle était chaude. C'est punissable. Attention. On laisse les gens tranquilles. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio. Le plus attendu des jeux de foot revient enfin. Football Manager 2012. Serez-vous le meilleur coach de l'année ou finirez-vous aux oubliettes du classement? Pour le savoir, une seule solution. Mickaël! Écoutez Mickaël à la radio entre 6h et 9h30 toute cette semaine. Et gagnez votre Football Manager 2012. Mickaël à la radio. La seule émission à vous offrir les meilleurs jeux vidéo. Fun Radio. Le son Dance Floor.